Vous écoutez Culte, le podcast culturel. Aujourd'hui, Martin Scorsese. Réalisateur, producteur, scénariste, voire même acteur, je vais vous raconter l'histoire d'un des cinéastes les plus marquants de notre époque. Mais je vais surtout vous parler de ses débuts et de son ascension à Hollywood qui marquera l'histoire du cinéma. Le jeune Martin naît en 1942 à New York et grandit dans une famille sicilienne catholique. Il vit à Little Italy, un quartier central de Manhattan plus ou moins contrôlé par la mafia. C'est un garçon maigre, asthmatique, qui passe la majeure partie de son temps loin de Central Park à développer sa foi chrétienne plongée dans la Bible. Il s'inscrira même à 14 ans au séminaire pour devenir prêtre. Mais un an plus tard, il se fait renvoyer par l'église, car finalement trop jeune et puis surtout trop indiscipliné. Pour passer le temps, il se plonge alors dans son autre passion, le cinéma. Et il passera un sacré nombre d'heures dans les salles obscures de New York. Et c'est donc naturellement qu'à 18 ans, il intègre la Tisch School, célèbre école de cinéma d'où sont sortis Oliver Stone, Spike Lee ou Woody Allen. Son rêve, c'est de devenir cinéaste. C'est donc à cette époque qu'il rencontre d'autres jeunes amoureux du cinéma qui deviendront ses amis et les créateurs du mouvement du Nouvel Hollywood. Brian De Palma, George Lucas, Francis Ford Coppola ou Steven Spielberg, rien que ça. Les premiers films de Martin ne rencontrent pas un énorme succès, même s'il y a quelques passages remarqués, comme sa participation au documentaire oscarisé Woodstock. Mais il peine à convaincre des producteurs businessmen de le laisser tourner avec son espèce d'énergie folle et sa mise en scène survoltée. Il décide alors de réaliser un film moins grand public, mais plus proche de ses envies personnelles. Mean Streets. Mean Streets, c'est le premier film d'une longue série qui dépeindra la vie des petits malfrats new-yorkais. Mais c'est comme une évidence pour lui, qu'a grandi dans ce quartier imprégné par la culture mafieuse italienne. Et c'est également le premier film dans lequel il fera apparaître à l'écran l'acteur qui deviendra son égérie, Robert De Niro. Le film est un succès, acclamé par la critique, la carrière de Martin Scorsese est enfin lancée. Pourtant, cette réussite a bien failli être sabordée par le compositeur Phil Spector, qui n'avait pas du tout apprécié l'utilisation d'un morceau sans son autorisation. Il faudra que John Lennon intervienne auprès de son ami musicien pour que le film reste à l'affiche. Après Mean Streets, Martin continue quelques années à réaliser des films qui sont devenus mythiques aujourd'hui. 75 par exemple, il permet à De Niro d'interpréter le personnage le plus iconique de sa carrière dans Taxi Driver, dans un New York sombre, qui mêle drogue, prostitution et criminalité, le personnage devient fou après son retour de la guerre du Vietnam et questionne le mode de vie dans ce qu'il appelle la capitale du péché. C'est dans cette descente aux enfers que l'acteur principal dira en pure improvisation sa célèbre réplique. You talking to me? Pourtant, là aussi, le film n'a failli pas avoir le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Martin craignait que la scène finale, qui est bien choquante, implique une classification X de son œuvre, et donc son interdiction pour les jeunes de moins de 17 ans. Mais c'est son ami Spielberg qui lui conseillera de désaturer la couleur de la bande afin que le sang apparaisse moins à l'écran. La triche a fonctionné, et le climax du film reste aujourd'hui classique. Fin des années 70. Martin décide de quitter un temps la fiction pour se lancer dans la réalisation de documentaires centrés sur les artistes les plus influents de son époque. Il réalise notamment un film épique sur une tournée de Bob Dylan. À ce moment-là, il est très proche du milieu rock. Et c'est à cette période qu'il commence à toucher à la drogue et à la cocaïne notamment, dont il deviendra complètement accro. Il fera même une overdose et passera un moment à l'hôpital, où viendra quand même lui rendre visite son acteur fétiche et ami, Robert De Niro. Et c'est grâce à ce dernier que Martin va réussir à se relever et à se relancer en tournant un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Raging Bull. Martin se surpasse, en proposant une vision des combats encore jamais vue en boxe, malgré la sortie des premiers Rocky. Les plans s'enchaînent comme des coups de poing, les ralentis suspendent les spectateurs, chaos devant la projection. Et impossible d'oublier les répliques des personnages, comme la célèbre « You fuck my wife ?» Depuis, Martin Scorsese est imposé comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Avec Casino, Les Infiltrés, Shutter Island ou Le Loup de Wall Street, entre autres comme classiques. En 50 ans de carrière, et plus de 24 films, il s'est largement assuré une place au panthéon du cinéma en remportant Palme d'Or, Oscar et Golden Globes. Dans chacun de ses films, il a su transmettre sa fascination pour des personnages complètement névrosés, souvent en marge de la société ou vivant dans l'excès. Ne faisant pas exception, son dernier film qui va sortir prochainement, The Irishman, retrace le parcours d'un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, devenu au fil du temps tueur à gages pour la mafia. Et c'est encore une fois son acolyte alter ego Robert De Niro qui se charge d'interpréter le rôle principal. Spielberg dira même du duo, ils sont comme deux frères. Martin laisse Robert se charger de la violence à l'écran, c'est en quelque sorte son homme de main. Culte.